Boazi Matata, Iram, Ange Céleste, Carole la Gabonaise, Motema ya choisi, Maître Dieu merci na Brazzaville, Akon Jackson Mangala, Chantal Mangala, le général Ebozo, Papi Tokinyudi, Shabani Kalombo, Iget Soumoupasi, Hervé Kamina. Zambela, je suis la tour de la moine qui est la suite. Kobota est la mime, pourquoi ne pas y attacher la couleur? Et c'est moi les sapas qui m'ont aimé, mais tu parais si. L'année qui s'est balayé entre nous deux, pour se commander. Et le coup qui tout côté, moi les meilleurs papons, les mises à moi, moi, si la femme. T'as la nature, t'as la nature. Radel Tamba, Sabé Asima, gouverneur Tamba. Nous battons caca bolingo, c'est caca sous la jema. Catalita dit sa bisoute pour la mamba. Ao, mais les gounas c'est que maman coquille loi, pèse au kitty. Tango coco ma piaka, côté mon vaso canakiti. Si mon ami ma coco, chabani record. Ataba et la zone, la maman le casanga bolimo. Vous allez choisir ce zone au cadigné. Bobo Viviane, n'allez plus vraiment Yesu. Sauf que ça n'a qu'un zambesté. Mais le lapin mon kilo yo. Pourquoi son ami se soutient? Souffrance et l'épi. Madame Francine Monte Maya Chabani Record. Parce que les Kelina n'a qu'à vous ma reine a fait ça ma conseil n'a pas besoin là. Quand on met malade, même cas. Monte mes sotou n'a n'aï, ce qui est né caché. Oui, à quel look est pas couler la yobi, tout boy à bolimo. Oh, polié, mon toba pimeli l'autre, n'est tu mon toba petit l'icofi. Ce qui est fin, bessi, lui, so, à cause à cause de ti, en zé. Bolimo, elle est lissi, moussika, n'a oublié, y'a pas de bolo, y'a de bolo. Akobi koeba, zoma zoma choisi. Pole mwelele si kofe, atuni bele, kese ke lamu. Po sheri ya boye, azolie moto ya tangate. Yango abisi salira, misusu di loko ya chambre froide. Ezana moto vite, bolingo ya choisi matata ira. Boko mese bailon kebe. Kame amo, akanga ma chose na nga ya di. Afumala lisi toyo, ikangi ya chose na nga yi. Honorable Ale Boika. Honorable Serge Kayembe Modiamfita, directeur Kams Kisumba. Na mise, les papa m'ont volé bien mes meilleurs souvenirs pour monter les sila. Et comme on s'y va, quoi ma vie n'a naï. On dirait souffrance et à quoi qu'elle est la nani à l'ina naï. Michel Mille. Tout cela va l'enlever à Sika, aïe. Honorable Zakari Bababasu. Harmonia la telingaye, panta les hommes si rec, tobozo me pataye. Toniko, akochango. Eske ndako yo la raka, soke zana porte te, menise aza zo bate. Sinti oya chango. Urko kange lingaye, zela langa basantima. Yotare ramasi, matala mombali langa otongyo, chetire tete kere chasama. Virginie, mangale la ramon, chwazi koba e niyo. Magali, Henriette de Kanjima. Babimboma, Batima, DG Junior Nimalemba. Mention, y'a Bestina Bilele na Parlema. Mention, y'a Jean-Jacques Moutole na Assemblée. Mention, y'a Ngana Derrick et Kabeko. Mention, y'a Ngana Chibo Apula. Mention, y'a Ngana Vewasitu, Mouna Dalase. Chic Rose, Yota Era Masi, Maîtresse. Pasta Ramon, Balina Baro, Tokyo, Chetire, Tete, Keneta, Chambabi. C'est Mariana la tortue. te salome kapongo Gisele Mfungu Aba trokale na yo Sidi jambu maswa Ia bebe Kabala na kata kiberan Poto poto ase mout Sosi kela mwe bimbi salibundi Yuma bara yanke po na kitrosi Eric ne malemba Amisada bolingo samblo beno ya kuluna Na oso kano pesa chongo bonini Iva tala Inu maemba jise kandolo blaki Ure desu Sosi pulo ni na nga sopi bolingo na gaya Res matate Kate toko di pulo ni na nga obo ki amu na nga ye Otonge di moninga ya chante ya mawa kota bule Na jima Yama Africa. Ozonyo nganga na misabana kaka boye. Fabrice Lutumba. Olimwe pesi na buka buka santima. Bless Bolo Sechi. Ibeke zonge la ditengele lengi. Olimwe pesi na buka buka santima. Gima Luba. Ibeke zonge la ditengele lengi.